Ah ouais. Des frères d'armes sur un thème que t'aignes. On règne, on saigne sur une page qui se ferme. Plein de cernes, ça me concerne, plus une crise de cernes. Jamais je me consterne, on crée l'emblème. C'est nous autres qui règne. Aïe, yo. Pour ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous, sont avec nous. Ceux qui nous supportent avec nous. On finira pas, je finirai pas, yeah. Hey yo, moi je me sens fucké comme un cookie sa cocaïne. Ça pue ça dans les narines, man. J'me fais le bonheur, sling, yeah. Les amines autour de moi, je rentre qui tue ça sur mes lignes. Quand je vais de ma mine, j'ai meilleure mine. Comme quand je prends une vitamine. Ce que je te compte, c'est pas de la frime, c'est grâce au rap que je me ranime. Si mon style, tu sous-estimes. Va baisser dans mon estime. Je sais, je baisse, c'est pas un crime. J'ai l'impression que je vais dans un film. Puis mon rôle, c'est la victime. Des virus, des extermines. Ce que je veux faire, c'est derrière. Je me sens bien comme ça, morphine. En guise de paix, fuck ceux qui m'aiment, c'est grâce au rap, je les élimine. Quand j'arrive, je vous abîme la rétine. Je suis trop malade quand je m'en fâche, je me ravage dans mes pages. Ça commence au bout de la marge, ça finit quand je suis plus calme. Mais souvent je fais pas ma sèche, j'espère juste qu'il est pognant. Dans la rage qui fuck mes sentiments. Sans la lance, sans voilà, comme un putain de cerf-volant. S'accrochant, arrogant, check mon char. Comme auparavant, j'ai mon cœur d'enfer. J'ai perdu mal, mes émotions, je vais pas être durant. Ton attention, faites attention, j'espère que je suis allé sans la pierre. Les frères d'Angle, la frustration dans mes poings. Laisse les traces dans ton système. Les vibrations qui fait je dégaine. Je suis le parchemin du thème. On laisse du beat sur sa tremblée. Plus cynique pour un boom bang. Les frères qui renversent tout ton game. On fait la clé du mouvement game. On vole, ma feuille comme ça vole. C'est là du stage trop dans ma bulle. Ça me met 600 brûles comme l'essence un gros feu. Similaire à celui dans mes yeux. Sans l'âge que je vends bien. Viens, les rêves. Viens, pour m'abaisser, pour m'abaisser, pour m'abaisser. Folie vient m'habiter, la furie cohabiter. C'est le go, dans ma tête c'est go. Canon, pas de drame, dans ma tête c'est le drame. L'exode dans mon parti, l'exode est pas fini. Ma vie est plus que fallait. Puis je t'allais depuis 20 années. Puis enfin le vent souffle d'en face. Comme un gouffre sans fin. On dirait c'est une farce. C'est trop facile, dans mon cas c'est difficile. On tient juste un grave sel. Sentiment, les sentiments comme ça. C'est piqué à bord de flex. C'est piqué, ya. La frustration dans mes poings. Laisse des traces dans ton système. La frustration qui fait je dégaine. Laisse sur le parchemin du thème. On laisse du beat sur sa tremblée. Plus cynique pour un boom bang. Les frères qui renversent tout ton gang. On fait la quête du mouvement gang. Ma frustration est en pleine évolution. C'est puissant pour ébranler toute une nation. Je me sens mon sang pour toucher ma région. Puis tout simplement faire sentir le méchant. Parce que tout ce qui se passe maintenant, je trouve ça pas mal dérangeant. Puis putain, des femmes qui vendent leur corps pour un peu d'argent. Des boys qui tuent juste parce que c'est tentant. Je crie au désespoir, est-ce que t'entends? Les choses changent, puis ça me dérange. Mais pour d'autres, ça les arrange. T'es le requin ou ben la poix, ça change rien, même ça la foi. Faut juste que tu suives la bonne voie. Mais parfois, c'est dur avec tout ce que je vois. Y'a des choses qui arrivent sans prévision. Mais écoute mon son, tu vas voir ma vision. Je me sens comme dans une prison. Mais je reste fort pour pas perdre la raison. Faut mieux prévenir que guérir. Essaie même pas de me ralentir, tu vas périr. À chaque bon mouvement, mon cœur se déchire. Chaque erreur est une âme de plus dans mes plans. Ça prend de l'ampleur, puis ça me fait peur. Ça m'écœure de devoir supporter la douleur. Mais la souffrance me montre que je suis toujours en vie. Une belle maison, puis du cash, c'est sûr j'en ai envie. Mais pour le moment, je fais avec ce que j'ai acquis. T'as pas besoin de parler, man. T'as juste à écouter, juste à yo. La frustration dans mes poings, t'as laissé des traces dans ton système. Infiltration qui pêche des games, elle serait sur le parchemin du système. Allez, sur le beat, on s'attendait. Les frères d'armes sur un bombing, les frères qui renversent tout ton game. On fait la clique du mouvement Clem.